63. La guerre aux externalités positives. Lu par Terry. La guerre aux externalités positives. L'autre effet pervers de la guerre à l'abondance, c'est la destruction des effets économiques positifs indirects de la copie. L'exemple le plus évident est celui des pays en développement. Avec les accords ADPIC, ils sont désormais censés respecter des niveaux de protection de la propriété intellectuelle proches des pays riches. Conséquence ? À long terme, une protection plus forte du copyright peut aider à stimuler une industrie culturelle locale si d'autres facteurs conditionnant le succès de telles entreprises sont aussi présents. Mais sur le court et le moyen terme, cela va certainement réduire la capacité des pays en développement et des pauvres à combler ce fossé en se procurant les livres, l'information scientifique et les logiciels dont ils ont besoin à un coût supportable, indique un rapport au gouvernement britannique. Autrement dit, en interdisant aux pays les plus pauvres de copier les livres ou les programmes informatiques du Nord, on freine leur accès au savoir et on rend plus difficile leur décollage économique. Même raisonnement avec les médicaments. Catastrophe sanitaire avant tout, le sida est aussi une catastrophe économique, car il décime la population active des pays ravagés par l'épidémie et désorganise la production. Les accords ADPIC interdisent pourtant la copie à bas prix de traitements antirétroviraux qui sont le seul moyen, aujourd'hui, de limiter ce fléau. Sans clone des médicaments, l'espoir d'un essor économique s'évanouit en même temps que les populations sont dévastées par la maladie. La même logique s'applique aux pays développés et dans tous les domaines. Empêcher la copie de livres dans les établissements scolaires entrave l'éducation des élèves ou des étudiants en les privant des ressources qui leur auraient permis de mieux se former et d'être plus à même de contribuer au bien-être économique général. La guerre au piratage des logiciels exclut de l'apprentissage des outils informatiques tous ceux qui n'auraient pu se payer les programmes ou qui seront désormais tenus d'en acheter un seul au lieu d'en copier 10. Mais, de tout cela, les partisans de la rareté se moquent, et on les comprend, car les effets positifs de l'abondance les concernent peu. L'intérêt immédiat des titulaires de droits est bien de juguler la copie pour capter le moindre marché, même limité, mais capable de payer le prix exigé. Et tant pis pour les bénéfices économiques globaux ultérieurs que cette manœuvre bride. Il y a un écart considérable entre l'intérêt microéconomique d'une entreprise titulaire de droits de propriété intellectuelle et l'effet macroéconomique pour la société tout entière. Un éditeur se préoccupe de son chiffre d'affaires, pas du PIB à long terme d'un pays. Il ne peut tout simplement pas faire autrement. Il vend des produits sur un marché, c'est sa raison d'être et la condition de sa survie. Or, la copie et les effets bénéfiques de la circulation des savoirs, par définition, se passent en dehors du marché. Ce décalage entre l'intérêt individuel des titulaires de droits et l'intérêt général des sociétés montre l'incapacité d'un marché des droits de propriété intellectuelle à appréhender tous les effets de la circulation de la connaissance et de la culture. Les économistes parlent dans ce cas d'externalité, pour définir les conséquences d'une activité économique sur la société dont les prix et le marché sont incapables de rendre compte. Des externalités, on connaît surtout la version négative, classique en environnement. Prenons par exemple une entreprise qui produit des microprocesseurs. Pour fabriquer ses puces, elle utilise des centaines de produits chimiques et consomme beaucoup d'eau pour le refroidissement. Ensuite, elle rejette le tout dans un réservoir sur son terrain. L'eau polluée va s'infiltrer dans les nappes phréatiques et contaminer toute la zone. Pour la collectivité, le coût est énorme. Les riverains peuvent contracter des maladies, l'eau n'est plus potable, l'État doit dépolluer. Mais le fabricant n'a aucun intérêt à limiter sa propre pollution, car cela le conduirait à vendre ses puces à un prix plus élevé, au risque de perdre des parts de marché. Dans le cas de la connaissance, ce sont des externalités positives qui se manifestent. La circulation la plus large possible des savoirs et de la culture provoque des effets économiques indirects très importants, d'autant plus puissants que la production d'immatériel échappe au rendement décroissant, plaie de l'économie matérielle. Il faut toujours plus d'engrais pour produire un tout petit peu plus de blé. Il faut des usines de plus en plus colossales et chères pour fabriquer des microprocesseurs à peine plus petits et plus puissants que la génération précédente. Bien au contraire, la connaissance est cumulative. Elle produit toujours plus de connaissances et de plus en plus vite. l'abondance s'entretient elle-même. Là encore, le marché et le système des prix, fondés sur la rareté, sont incapables d'en rendre compte. Les marchands de culture et de savoir ne peuvent appréhender que ce qu'ils encaissent et vendent, et non les gigantesques bénéfices indirects engendrés. Le dogme marchand est aujourd'hui potentiellement contre-productif, car il conduit justement les agents à une valorisation nulle du temps passé en dehors du marché, alors que c'est dans cette dimension que pourrait bien résider l'essentiel du gisement de croissance, indique l'économiste Bruno Venteloup.